Bosco Douimane. Bonjour à vous tous et merci de nous rejoindre sur Isanganiro. C'est le journal, la grande édition de ce 3 mai 2021. Les grands titres. Ce lundi 3 mai 2021, le monde célèbre le 30e anniversaire de la déclaration de Windhoek adoptée par l'UNESCO à l'issue de sa conférence en 1991 et qui consacrait le développement d'une presse libre, indépendante et pluraliste. Cette année, le thème de la Journée mondiale de la liberté de la presse est l'information comme bien public. Et dans ce journal, nous revenons sur le discours du chef de l'État burundais à l'occasion de la célébration de la fête du travail des travailleurs en ce qui concerne l'interdiction faite aux fonctionnaires de participer au marché public ainsi que la gestion des cotisations des affiliés de l'Institut national de sécurité sociale, INSS. Et ce dimanche, le petit séminaire de Bouta commémorait pour la 24e année le triste anniversaire de l'assassinat de ses 40 élèves, aujourd'hui appelés martyrs de la fraternité. C'était à l'aube du 30 avril 1997. Vous suivrez le reportage de notre correspondant qui a suivi la messe dite à cette occasion par Monseigneur Léonidas Nitereka. C'est le vicaire général de l'évêque du diocèse de Bururi. Et dans la chronique sportive, comme tous les lundis, aujourd'hui nous évoquons le strict respect des normes FIFA en ce qui est du transfert des joueurs, particulièrement au sein de l'association de football en province de Bujumbura. Vous ratez l'essentiel. Je venais de vous le dire, 30 ans après la déclaration de Windhoek qui consacrait une journée dédiée à la liberté de la presse, le paysage de l'information a connu des changements considérables avec l'arrivée d'Internet et des médias sociaux. Dans son message en marge de cette célébration de ces journées, Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO, appelle tout un chacun à renouveler son engagement en faveur du droit fondamental à la liberté de la presse. Et cette journée est célébrée le 3 mai de chaque année. Le contenu de son message avec Jean-Marie Mayong. Dans son message, la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, précise que depuis 1991, il y a aujourd'hui 30 ans, le paysage de l'information a connu des changements considérables, notamment avec l'arrivée d'Internet et des médias sociaux. La directrice générale de l'UNESCO signale également que la déclaration de Windhoek sur le développement d'une presse africaine indépendante et pluraliste. Audrey Azoulay, dans son message, dit qu'ils doivent également faire face à la montée de la désinformation et des discours de haine, au bouleversement des modèles économiques des médias et à la concentration du pouvoir entre les mains d'un petit nombre de sociétés privées. Elle continue dans son message précisant que la pandémie de COVID-19 a mis en évidence la nécessité de disposer d'informations fiables et grâce au journalisme indépendant, ils ont pu mieux comprendre la crise. Elle indique que la pandémie a également aggravé des problèmes existants, de nombreux médias faisant désormais face à des pertes financières et le pouvoir des plateformes internes s'est encore renforcé à la faveur des confinements qui ont contraint à effectuer en ligne une grande partie des activités quotidiennes. Le thème est retenu pour célébrer la Journée mondiale de la liberté de la presse et l'information comme bien public. Ce thème concorde avec les efforts menés par l'UNESCO pour garantir la bonne santé à long terme d'un journalisme indépendant, pluraliste, ainsi que la sécurité des professionnels des médias partout dans le monde. À l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, la directrice générale de l'UNESCO appelle chacun et chacune à renouveler son engagement en faveur du droit fondamental à la liberté d'expression. La Journée mondiale de la liberté de la presse est célébrée le 3 mai de chaque année. Jean-Marie Mayonga, et la liberté de la presse existe au Burundi, même s'il y a encore à améliorer. C'est ce que disent des journalistes qui se sont exprimés au micro de la radio Isanganiro. Ils affirment que cette liberté a connu une évolution par rapport aux années antérieures, mais ils trouvent qu'il existe encore des défis dans la recherche de l'information. Ce lundi, le monde célèbre la Journée internationale de la liberté de la presse. Suivez son micro-baladeur. Ici au Burundi, moi je dirais que la liberté de la presse existe et se laisse voir là par une multitude de médias. Ici on observe des médias à un nombre important. Il y a des médias qui œuvrent sur tout le territoire. Ici en ville, nous voyons des radios vraiment. Ici et là, il y a des radios, même à l'intérieur du pays. Presque toutes les provinces aujourd'hui, on entend des radios qui naissent du jour au lendemain. À ce point, on peut dire que la liberté de la presse existe, même si tout n'est pas rose. Parce qu'aujourd'hui, il y a des journalistes qui, des fois, qui n'obtiennent pas facilement l'information. chez les autorités. On arrive même à exiger aux journalistes d'envoyer des questions sur lesquelles vous allez poser votre débat, ce qui n'existait pas avant. Là, il faut vraiment revoir la restructuration de cette liberté. La liberté de la presse ici au Burundi est toujours à encourager. Elle est en avance par rapport aux années précédentes, puisque les 10 années précédentes, il n'y avait pas assez des médias comme maintenant. Je peux dire que d'une part, notre gouvernement facilite la tâche pour la plupart des journalistes. Ils sont là, sauf qu'il y a certains sujets intouchables. J'aimerais qu'ils comprennent que les journalistes ne sont pas des ennemis. Nous sommes là pour le bien du peuple, pour informer le peuple. Donc, et j'aimerais qu'ils continuent ainsi pour que la population burundaise soit informée. La liberté de la presse au Burundi, il y a jadis des années, la liberté était là. Mais avec le contexte et la crise qui est passée en 2015, c'est-à-dire, il y a eu, je dirais, un cas de descendance à ce qu'on appelle la liberté de la presse. Je dirais que c'est un pas en avant. Isanganiro, la radio de l'avenir. Le code des marchés publics interdit à un fonctionnaire de l'État de concourir dans ce genre de marché. Dans son message du samedi 1er mai, jour de la célébration de la journée du travail et des travailleurs, depuis la commune de Bouganda en province de Cibitoke, le chef de l'État a annoncé qu'un suivi de près va être instauré pour les traqués. Suivez-le dans cette traduction de l'Inibel, Nibigira. Ce qui crée des entreprises pour avoir des marchés publics, je vous dis que cette entreprise ne fonctionnera pas parce que nous sommes en train de changer d'attribution de marché. Vous venez de perdre. Ceux qui pensaient que vous alliez gagner des marchés publics, les fonctionnaires de l'État vont le faire parce que ça fait partie de leur travail. Et vous pensiez que nous allions vous appeler pour venir construire un tel pont. Alors que nous avons une agence chargée de construire les routes et les ponts, malheur à celui qui croyait qu'il allait gagner de l'argent en construisant les routes et les ponts. C'est lui qui a une entreprise de construction qui aille dans la banque pour chercher un capital en vue de construire des maisons destinées au logement des personnes. Mais je vous dis la vérité que ce n'est pas bien que les fonctionnaires de l'État créent des entreprises pour avoir des marchés publics. Dans le code régissant les marchés publics, c'est bien écrit que c'est interdit qu'un fonctionnaire de l'État concourt à un marché public et je me demande comment un fonctionnaire de l'État concourt. C'est illégal. Maintenant, nous allons suivre de près ces cas. Les fonctionnaires de l'État ne peuvent pas participer dans l'offre des marchés publics. C'est bien précisé dans les textes. Le président burundais a en outre pointé du doigt l'utilisation finale des cotisations à l'Institut national de sécurité sociale, INSS. Ces fonds reviennent aux pensionnés et non aux employés de cet institut. De la transparence doit caractériser cette gestion, a-t-il martelé. On l'écoute encore. La Confédération des syndicats a parlé de la sécurité sociale, de l'INSS. Ces contributions reviennent aux travailleurs qui cotisent. Et si un jour une réunion se tient entre tous les fonctionnaires qui demandent de leur montrer à quoi leurs cotisations servent, que l'INSS se tient prêt à justifier cet argent, car l'État va venir pour vous demander comment cet argent a été utilisé et savoir comment organiser ce qui va suivre. Si nous disons que le retraité reçoive un salaire plus ou moins égal à celui qu'il recevait avant, nous regardons l'argent que nous avons normalement. Ceux qui travaillent encore cotisent pour les retraités. Eux aussi, ils vont aller à la retraite et ceux qui seront derrière eux vont cotiser pour leur sécurité sociale. Si nous remarquons qu'ils cotisent peu d'argent, nous allons le partager entre les retraités. Les fonctionnaires de l'INSS disent que cet argent nous appartient. Pourquoi? Faites-le dans la transparence afin que nous le partagions pour les retraités. Vous pouvez accepter d'avoir un salaire supérieur par rapport à vos chefs qui ont cotisé cet argent. Comprenez bien que vous êtes des travailleurs de tous ces retraités. Vous ne pouvez pas alors utiliser un capital et un bénéfice. Cet argent leur appartient une fois à la retraite. Nous allons compter ces fonds qui entrent par an avec les intérêts reçus dans les banques. Les maisons de l'INSS qui sont loués. Et tout cet argent va être distribué suivant le nombre de retraités. Dites-nous la stratégie qui réussit au niveau de l'ANPR, mais qui ne fonctionne pas à l'INSS. Nous allons utiliser la même stratégie. C'était le président de la République qui s'exprimait samedi à l'occasion de la célébration de la Journée internationale du travail et des travailleurs. C'était en commune Ouganda de la province de Cibitoke. La suite de ce journal avec la commémoration ce dimanche du 24e anniversaire de l'assassinat de 40 séminaristes martyrs de la fraternité à leur sanctuaire au petit séminaire de Bouta. Monseigneur Léonidas Nitereka, vicaire général de l'évêque du diocèse catholique de Bururi, qui présidait une messe relative, a appelé les Burundais à prêcher par l'amour et la vérité afin d'éviter de retomber dans une crise comme celle-là qui a emporté la vie de ces séminaristes. Reportage Jean-Pierre Misago. Dans son homélie, Monseigneur Léonidas Nitereka, vicaire général de l'évêque du diocèse catholique de Bururi, appelle les chrétiens présents et tous les Barundis à être des hommes de vérité. C'est une façon, selon lui, d'éviter de rester dans des conflits, lesquels conflits sont parfois à l'origine des tueries comme celles-là qui ont emporté la vie des 40 séminaristes martyrs de la fraternité. Par ailleurs, poursuit Monseigneur Léonidas Nitereka, les Burundais devraient s'aimer les uns des autres pour arriver à la réconciliation afin de bâtir une paix durable. Monseigneur Nitereka a lancé l'année jubilaire, une année qui sera dominée par des activités allant dans le droit chemin de la paix et de la réconciliation au Burundi. Les démarches pour la béatification des 40 martyrs de la fraternité de Bouta étaient à un stade satisfaisant, n'eût été la mort de celui qui était chargé de ce dossier et qu'il faudra remplacer afin que ce dossier puisse suivre son cours normal, a indiqué Monseigneur Léonidas Nitereka. Jean-Pierre Misago, depuis le petit séminaire Saint-Paul de Bouta, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. Nouvelle des Provences, cette fois-ci dans le nord du pays. Deux personnes ont été grièvement blessées, 24 maisons d'habitation, une église et des champs de culture endommagés suite à une pluie torrentielle mêlée de grêle tombée l'après-midi de ce dimanche sur la colline Ruhehe. C'est en commune Kigina de la commune de Bugabura dans la province de Kirundo. L'administrateur de cette commune, Eric Twizerimana, demande une aide d'urgence pour les familles victimes de cette aléa et surtout les toitures pour reconstruire leur hébergement. Cette autorité rappelle que la même situation s'était produite le mois dernier dans la zone de Rugasa où une trentaine de maisons avaient été complètement détruites ainsi que des champs de culture endommagés. Cherté des denrées alimentaires de première nécessité à Ngozi ces jours-ci. Un kilogramme de farine de maïs dite ICMB s'achète à 2200 francs burundais contre 1800 il y a environ un mois. Le prix d'un régime de banane a doublé, même chose pour la pomme de terre et autres. Les consommateurs demandent aux autorités habilitées de tout faire pour freiner la montée de ces prix. Apollinaire Muzagara. Cette hausse des prix s'observe sur bon nombre de produits alimentaires ces jours-ci en Ngozi. Un sac de 25 kg de farine de maïs dite ICMB, qui se vendait à 42 000 francs bou il y a un mois environ, est aujourd'hui à 47 000 francs bou. Un kilo donc de cette farine s'achète actuellement à 2200 francs contre 1800 d'alors. Une hausse qui inquiète plus d'un, car presque tous les ménages du chef-lieu de la province Ngozi consomment au moins une fois par jour la pâte de maïs. Les habitants de Ngozi disent ne pas comprendre pourquoi cette grimpée du prix de farine de maïs, alors qu'il y a une bonne récolte durant cette saison culturelle, passe. Le prix de la banane a également monté, passant du simple au double. Un régime qui s'achetait entre 5 ou 6 000 francs bou est actuellement à 10 000, voire plus. La raison serait, selon les habitants d'Ngozi, de nombreux camions Fuso qui ces jours-ci viennent s'approvisionner au marché dit Luvumera, réservé à cette denrée, pour les acheminer à Bujumbura. la pomme de terre coûte 1200 francs le kilo, contre 800 dirhams. Même chose pour l'huile, un bidon d'huile de coton qui coûtait 30 à 31 000 francs, bout s'achète à 38 000 francs actuels. Les consommateurs de cette localité demandent un suivi régulier de ces prix de la part des autorités habilitées avant qu'il ne soit tard. Sinon, disent-ils, la vie sera de plus en plus compliquée. Donc aussi, apprenez Muzagara Radio Sanganiro. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. Nous ouvrons la rubrique internationale avant la chronique sport. En Centrafrique, des victimes des exactions russes brisent la loi du silence. RFI publie un rapport là-dessus après avoir eu accès à de nombreux documents confidentiels et recueilli des paroles des victimes. En effet, des méthodes brutales des instructeurs russes qui combattent aux côtés de l'armée centrafricaine suscitent de plus en plus de peur et d'inquiétude. Le 31 mars dernier, le groupe de travail des Nations Unies sur les mercenaires alertait sur une longue série de violations graves des droits de l'homme qui leur sont attribuées. Et en RDC, toujours aucun détail sur les conditions de mise en œuvre de l'état de siège. Il a été annoncé vendredi dernier à l'issue de la première réunion du Conseil des ministres de l'Union sacrée, suivie par une réunion du Conseil national de sécurité. Il concerne les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri où les massacres se multiplient. Cet état de siège décrété par Félix Tshisekedi est loin de faire l'unanimité. Des voix redoutent surtout un transfert de pouvoir dans cette province aux militaires, régulièrement accusés de violation des droits de l'homme et d'affairisme. Radio Isanganiro, chronique sport. Les transferts de joueurs au sein de l'association de football en province de Bujumbura se font aujourd'hui sur base des nouvelles lois de la Fédération internationale de football FIFA. C'est ce que déclare Djuma Piligakari, président de l'association de football en province de Bujumbura. Il dit aussi que le manque de terrain moderne dans cette province constitue l'handicap majeur au développement de ce sport dans cette province. Les détails avec Marie-Claire Kazenetz. Le transfert des joueurs de football en province de Bujumbura est validé par le président du club d'origine après le consensus entre le club qui veut recruter le joueur. Propos de Djuma Piligakari, président de l'association de football dans la province de Bujumbura. Le transfert des joueurs dans notre association, normalement, les joueurs sont transférés par les présidents de leur club. Après consensus des deux clubs, ils amènent le transfert pour ce que le président de l'association fait valider le transfert pour que les joueurs continuent à jouer dans le club qu'ils préfèrent. Une fois sûr, le président refuse de donner le transfert, le joueur n'est pas un esclave. Il a le droit d'aller jouer dans n'importe quel club et l'association l'autorise d'aller jouer dans le club qu'il préfère, et comme la loi le dit, et la loi de la football. Il précise que le manque des moyens et les terrains sont certains défis auxquels font face l'association de football dans la province de Bujumbura. Le défi que nous rencontrons, c'est le manque de moyens. Le moyen que nous disposons ou bien le moyen qui sont mis à notre disposition par la FFB ne suffit pas, puisque si nous voyons l'organisation du championnat, l'état des besoins du championnat, pour que le championnat se déroule bien, le moyen, ce n'est pas suffisant. Nous n'avons pas de bons terrains, mais entre-temps, nous sommes en train de s'organiser avec le nouveau gouverneur. Comme ça, je pense que dans les jours à venir, nous aussi, dans notre province, on va trouver un terrain ou un stade comme les autres stades qui se trouvent dans d'autres provinces. Malgré cela, ce président de l'association de football dans la province de Bujumbura affirme qu'ils ont des entraîneurs de licence D et C, tout en précisant que la Fédération burundaise de football, FFB, a promis la formation envers les arbitres. Et à propos des entraîneurs, nous avons des entraîneurs qui ont des licences C et licence 2, qui sont en train d'entraîner les équipes. Et à propos des arbitres, nous attendons la formation, puisque nous avons une promesse de la part de la FFB, la formation des arbitres aura lieu le mois de juillet dans notre province. Comme ça, nous pensons que l'année prochaine, on aura pas mal d'arbitres qualifiés qui vont venir nous épauler pour qu'on puisse jouer les matchs dans une bonne condition. Djuma Piligakari appelle les amateurs de football en général et en particulier les natifs de la province de Bujumbura de se donner corps et âme dans le but de promouvoir le sport dans la province de Bujumbura. Marie-Claire Kazeneza, il est 13h, bientôt 16 minutes à Bujumbura et sur Isanganiro. C'est ici que nous bouclons ce journal. Vous en retiendrez que ce lundi 3 mai 2021, le monde célèbre le 30e anniversaire de la déclaration de Windhoek, adoptée par l'UNESCO à l'issue de sa conférence en 1991 et qui consacrait le développement d'une presse libre, indépendante et pluraliste. Et cette année, le thème de la journée mondiale de la liberté de la presse est l'information comme bien public. Merci à vous tous d'avoir suivi avec intérêt ce journal que j'ai eu le plaisir de vous présenter avec la complicité technique de François Akimana. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Au micro, Jean Bosco Nouimana. Passez un très bon après-midi.